Je partage cet enclos avec Patrick Horton, un homme et demi qui s'est fait tatouer l'histoire de sa vie sur la peau du dos. Life is a bitch and then you die. Et celle de son amour pour les Harley Davidson sur l'arrondi des épaules et le haut de la poitrine. Patrick est en attente de jugement après le meurtre d'un Hells Angels appartenant au chapitre de Montréal, abattu sur sa moto par ses amis qui le soupçonnaient de collaborer avec la police. Patrick était accusé d'avoir participé à cette exécution. Eu égard à ses intimidantes proportions et à son appartenance à cette mafia des motocyclettes, possédant un superbe catalogue de meurtres et d'assassinats à son actif, tout le monde s'écarte respectueusement devant Horton comme s'il s'agissait d'un cardinal lorsqu'il déambule dans les couloirs du secteur B. Connu pour partager l'intimité de sa cellule, je jouis dans son sillage du même respect que ce drôle de nonce. Come on. Assise dans le coin, elle essaye de respirer laborieusement, un air qui semble s'être brusquement raréfié dans la pièce. Paraissant venir de très loin, lui parvient un faible whoop whoop. Elle sait que c'est de l'air qui descend et remonte dans sa gorge en une série de petits hoquets fiévreux, mais cela ne change rien, fondamentalement, à ce qu'elle ressent. À cette impression de se noyer dans un angle de la pièce, avec sous les yeux les restes déchiquetés du livre de poche qu'elle lisait à l'arrivée de son mari. Power.

the show is through. Pass it forward to me. I love you. Even matter that you're gonna take me home with you. Kill you, then I will. I hate your guts and it makes me ill seeing your face every morning. One more month and 22 days. If this tour doesn't kill you, I may. I'm counting down the miles till we leave the state. I'm counting down the minutes till I can't erase every memory of you. For a second, let's be honest, nothing will clean your filthy conscience. Everything you do makes me wanna vomit. And if this tour doesn't kill you, buddy, I'm on. Après la publication des cours sur l'histoire du développement du capitalisme japonais 1932-1933, les milieux marxistes ont polémiqué sur les caractéristiques concrètes de ce capitalisme. Les débats ont notamment porté sur la question de savoir à quel stade de l'histoire le Japon était entré depuis la restauration de Meiji. Pour les économistes et les historiens des cours, qui adoptaient les thèses du Parti communiste japonais, le pays avait connu une période de modernisation qu'ils assimilaient au capitalisme et à l'occidentalisation, mais la restauration de Meiji était une révolution insuffisante qui avait laissé place à un régime absolutiste et semi-féodal, ce qui impliquait dans l'avenir une révolution démocratique bourgeoise puis une révolution socialiste. Pour les marxistes du courant ouvrier-paysan, extérieur au Parti communiste, le Japon est devenu par la restauration de Meiji un état bourgeois avancé qui était caractérisé par un capitalisme monopolistique et qui s'orientait vers un totalitarisme fasciste. Ce qui n'impliquait pour ces marxistes qu'une seule révolution dans l'avenir, la révolution socialiste. La première interprétation, qui assimile le processus de modernisation du Japon à l'occidentalisation de l'ère Meiji, mais qui considère le Japon comme un pays insuffisamment moderne avec des vestiges féodaux, va avoir une longue postérité. We'll be right back. L'intérêt des intellectuels japonais pour l'idée de modernité se cristallise dans la table ronde de 1942 sur le dépassement de la modernité organisée par une revue littéraire en pleine guerre de l'Asie-Pacifique. Les intellectuels présents avaient des avis très variés sur la modernité, mais s'accordaient tous pour l'identifier en général à la modernité occidentale et notamment la modernisation japonaise, à l'ouverture à la civilisation occidentale opérée à l'ère Meiji. Pour les écrivains se réclamant du romantisme japonais, l'histoire du Japon depuis la restauration de Meiji étant celle de l'érosion du Japon par le poison occidental, il fallait revenir à l'esprit de fidélité à l'empereur pour abattre les puissances anglo-américaines et purifier le corps national japonais de l'influence occidentale. Les philosophes de l'école de Kyoto, notamment Nishitani Keiji, 1900-1990, mettaient en avant l'énergie morale du peuple japonais dans la guerre menée contre la domination coloniale occidentale et pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. On le voit, l'identification de la modernité à l'Occident et le contexte de guerre ouverte contre les États-Unis depuis décembre 1941 menaient les détracteurs de la modernité à affirmer un dépassement de la modernité qui alla de pair avec le renversement de l'hégémonie occidentale dans le monde. La mer est à peine ridée et de petites vagues battent le rivage sablonneux. Monsieur Palomar est debout sur le rivage et regarde une vague. Non qu'il soit absorbé dans la contemplation des vagues. Il n'est pas absorbé car il sait bien ce qu'il fait. Il veut regarder une vague et il la regarde. Il n'est pas en train de contempler car pour la contemplation, il faut un tempérament adéquat, un état d'âme adéquat et un concours de circonstances extérieures adéquat. Et si M. Palomar n'a rien contre la contemplation en son principe, aucune de ces trois conditions n'est cependant satisfaite pour lui. Enfin, ce ne sont pas les vagues qu'il entend regarder, mais une vague singulière, et c'est tout. Soucieux d'éviter les sensations floues, il se fixe pour chacun de ses actes un objet limité et précis. en grève dans plusieurs centres, des postiers dénoncent l'allongement de leur tournée et une charge de travail qui s'intensifie. Comment est organisé le temps de travail des facteurs ? Nicolas Jounin. La Poste a longtemps eu une méthode taylorienne classique de chronométrage des tournées des facteurs. Jusque dans les années 2000, ce travail était fait par des chronométreurs qui venaient mesurer chaque tournée et déterminer ainsi combien de kilomètres un facteur pouvait parcourir, combien de courriers il pouvait distribuer. Comme cela était très long à faire, cela se faisait rarement. D'autant que la Poste n'y avait pas trop intérêt, car à l'époque, le nombre de plis était plutôt en augmentation. Elle risquait alors de s'apercevoir que les tournées étaient plus longues que les journées de travail, et donc il y avait besoin d'effectifs. La tendance s'est inversée avec l'ère numérique et la baisse du courrier est un choc structurel qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Dès lors, la direction a considéré que la baisse des flux entraînait forcément une baisse similaire de la charge de travail. Ce qui est discutable, car même s'il y a moins de courriers, les facteurs doivent toujours aller partout pour le distribuer. Et en parallèle, le nombre de boîtes aux lettres a augmenté, passant de 33 millions il y a 10 ans à 40 millions aujourd'hui. Mais pour la Poste, la baisse du courrier se traduit surtout par une baisse de recettes. Alors, pour maintenir la rentabilité, elle a réduit fortement ses effectifs. D'où cette nécessité de faire très régulièrement des réorganisations dans chaque centre de distribution en s'appuyant sur un recalcul de l'ensemble des tournées désormais automatisées et accélérées. We'll be right back. musicians or creators that work for other people. Cette chanson s'appelle Divide and Conquer. Now, super cool. Les revers essuyés par la politique très personnelle de M. Henry Kissinger au Vietnam, au Cambodge, à Chypre et en Proche-Orient donnent une impression de faillite généralisée aggravée par la détérioration des positions américaines en d'autres secteurs du monde, notamment au Portugal, mais aussi au Club de Paris qui a refusé d'examiner la reconduction de la dette chilienne. Tout amateur de musique connaîtra tôt ou tard, le plus tard étant le mieux, une angoisse comparable à celle de la page blanche pour l'écrivain, de celle qui étreigne la gorge et laisse sans voix. Suis-je passé à côté de quelque chose durant les dernières sorties de disques ? Ou dit autrement, malgré les innombrables moyens de découvrir de la musique, serait-il encore possible de passer à côté de vrais bons groupes ? Je me posais effectivement cette question en écoutant tout d'abord d'une oreille discrète le dernier album des natifs de Nashville, Tennessee, les drôlement nommés Turbo Fruits. Pas d'idée a priori, car ils sont passés un peu en dessous des radars lors de la sortie de No Control, leur livraison de 2015. Collègues de Jeff de Brotherhood, chroniqués aussi directement dans ces pages, ils ont convoqué à la prod Patrick Carney des Black Keys pour livrer un album que l'on pourrait qualifier rapidement de power pop. Malgré un début un peu mollasson, la sauce prend petit à petit avec une vraie qualité dans le songwriting et une petite touche fuzz tout du long pour un résultat dont la consistance monte progressivement tout au long des 11 titres. D'où ma question du début, est-ce que l'on serait passé à côté d'un gros truc ? Et il y a presque moyen de faire une belle carrière dans les charts avec des titres comme No Reason to Stay que l'on dirait coécrit avec les New York et les Strokes qui eux ont connu effectivement un gros succès. Friends, situé juste après, convoque quant à lui des chœurs presque Beach Boys pour marquer le territoire pop fun et en jouer, respirant le plaisir et la bonne humeur. On a ici potentiellement un gros paquet de tubes, vu la fraîcheur et la patate qui se dégagent de ces titres, capables de ramener le sourire sur des jours un peu trop sombres. Plus efficace et sans effet secondaire sur un public rock que des antidépresseurs, cet album est chaudement recommandé en complément d'une cure de vitamines. We'll be right back.

Mais autour d'une situation d'aventure connue que chacun était en droit d'étudier et de rappeler, quelle fantaisie répandue, que d'inventions, que de broderies, surtout quelle dépense de cette observation continuelle, éparse, presque inconsciente, sans laquelle il ne saurait y avoir d'écrivain d'imagination. D'ailleurs, pour se rendre compte du travail cristallisant qui transporte du réel à la fiction, de la vie au roman, les circonstances les plus simples, il suffirait d'ouvrir le moniteur officiel de février 1864 et de comparer certaines séances du corps législatif au tableau que j'en donne dans mon livre. Qui aurait pu supposer qu'après tant d'années écoulées, ce Paris à la courte mémoire saurait reconnaître le modèle primitif dans l'idéalisation que le romancier en a faite et qu'il s'élèverait des voix pour accuser d'ingratitude celui qui ne fut point certes le commensal assidu de son héros, mais seulement dans leur rare rencontre un curieux en qui la vérité se photographie rapidement et qui ne peut jamais effacer de son souvenir les images une fois fixées. Il avait coutume de dire que les elfes tuent ceux qui révèlent leur mystère et il l'attribuait à la vengeance de ces esprits, la mort de monsieur l'abbé Coignard qui fut assassiné sur la route de Lyon. Mais je sais bien que cette mort, à jamais déplorable, eut une cause plus naturelle. Je parlerai librement des génies de l'air et du feu. Il faut savoir courir quelques risques dans la vie et celui des elfes est extrêmement petit. I don't know.